de suite sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire et sur les docs. Aujourd'hui, le New Look aux origines de l'histoire Dior, un documentaire d'Antoine Lachand réalisé par Lionel Quentin. Au départ de cette série, il y a le jour où on a rangé nos crêpeurs et notre Teddy d'adolescente au placard, ou celui où l'on a endossé le vieux blouson de cuir de son père et d'un coup retrouvé son odeur. Ou encore les premières fois où l'on a pu choisir ses vêtements pour l'école. Et puis il y a la mode, les couturiers créateurs, les défilés et la magie de la ligne. Alors pour commencer, les personnages. Une rédactrice en coulisses, un historien de la mode, un inventeur de génie, une petite main qui a de la mémoire, un couturier qui dessine et le jeune Yves Saint-Laurent. Ensuite le décor, des tailles serrées, des plumes, des jupes évasées, des femmes fleurs, l'après-guerre, du tulle de l'organza, des champs d'atelier, une dépression nerveuse, le luxe et la maroquinerie. Aujourd'hui, dernier épisode, on regarde une silhouette. Voilà une image de 1947. Voilà une image qui, pour moi, symbolise parfaitement le new look, c'est-à-dire une robe apparemment très simple. Bon, moi, j'aime beaucoup les choses simples. Foncée, mais on va dire noir ou bleu marine. Chemisier avec une taille minuscule, des petites manches courtes, une ouverture en V. Une immense jupe qui arrive à peut-être 5 cm au-dessus de l'os de la cheville. Bon, un petit truc sur la tête, un petit béret décalé avec une plume, eh bien, je trouve ça parfaitement ravissant. Voilà, alors donc je regarde cette photo avec plaisir, tout en me disant, j'espère que personne ne va se serrer la taille comme ça. Ma mère, par exemple, sortant de la collection Dior, était complètement bouleversée, trouvait que c'était le rêve du rêve, parce qu'il y avait tout à coup des escarpins, et puis des chaussures compensées ou des choses comme ça. Il n'y avait plus de padding aux épaules. Il y avait des tailles marquées. Il y avait des jupes avec des godets qui descendaient à la bonne longueur. Enfin, ça lui paraissait l'enchantement. Et je me souviens qu'elle est arrivée chez Piguet en disant à Hubert Givenchy, à moi-même, qui travaillions ensemble à ce moment-là comme assistant, « Eh bien, mes enfants, vous êtes complètement démodés. » Moi, j'étais à l'époque, je vais avoir, je sais pas quel âge, 15, 16 ans. Eh bien, immédiatement, j'ai laissé tomber mes jupons et puis mes jupes jusqu'à mi-mollet. Et puis, j'avais tout à coup l'impression d'être une femme au lieu d'être une petite fille. Ça a été une révolution de rue. C'est-à-dire que dans la rue, toutes les femmes cachaient leurs jambes, les hommes étaient fous de rage. Mais c'était pour nous, c'était un déguisement, mais pour la majorité des gens, c'était tout à coup la possibilité de respirer librement une autre, l'après-guerre. En fait, c'était l'après-guerre dans toute son explosion de joie, de consommation, de revivre. Voilà. Alors au mur, donc j'ai mis des affiches qui étaient pour les anniversaires de la maison. Vous voyez, la maison Dior. Alors, c'est le fameux tailleur Bar, surnommé Bar, qui a fait vraiment exploser, si l'on peut dire, la mode de ce moment-là, de cette année 47, avec, vous voyez, plus sur le mannequin. On va regarder, c'est... Voilà, on voit mieux sur cette petite carte postale qui représente le mannequin qu'il portait. Et donc, c'est pour les hanches, ces fameuses hanches qui, donc, accentuaient la taille de la femme. Et d'un seul coup, cette innovation, ce qu'on a baptisé New Look, ça changeait complètement. Et ça donnait, je pense, envie aux femmes de s'habiller, de s'acheter de nouvelles choses ou de se transformer les robes qu'elles avaient, parce qu'à l'époque, les choses étaient très chères. Il n'y avait pas énormément de tissus, donc on voyait énormément d'ourlets allongés avec une bande de tissu ou quelque chose pour essayer d'être dans la tendance, parce que cette tendance était très forte. Il y a eu véritablement une bascule. Ça, c'est absolument indéniable. Dior raconte ça, mais ça, c'est sa manière de raconter les choses. Il parle très très bien dans son livre « Dior et moi », titre qui m'a toujours intrigué. D'ailleurs, il en parle. Cette espèce de schizophrénie dans laquelle il s'est trouvé placé tout au début du livre, de ses mémoires. Donc, il raconte très bien cette opposition entre les femmes fleurs qu'il va faire sortir de son bouquet de robes et puis les femmes à silhouette militaire ou à carrure masculine. Derrière cette carrière masculine, il y a sans doute, bien sûr, Chanel. C'est toute l'histoire de la mode depuis les années 20 qui est en filigrane aussi derrière ses choix esthétiques et son geste, entre guillemets, de rupture. Donc il y a un véritable tournant qui est pris. On dit qu'il faisait froid, que la presse française était en grève, ce 12 février 1947, lorsqu'un débutant de 42 ans, habitué jusqu'alors aux croquis dans l'ombre, présente à Paris, dans les salons de l'avenue Montaigne, parfumé, sa toute première collection baptisée Corolle. Pourtant, ce n'est pas Corolle, mais c'est le mot d'une journaliste américaine, New Look, qui va vite désigner et à tout jamais cette entrée fracassante sur la scène de la mode. La France et le monde des couturières vont adopter cette ligne et on dit que quelques cow-boys du Middle West, quelques maraîchères de la rue Le Pic, se sont rebellés contre cette longueur indécente. Le mythe, déjà, et le fil, car 10 ans plus tard, la maison est la première à survivre à la mort brutale de son créateur et va ensuite propulser quelques autres noms fameux dans l'histoire, 5 en tout, jusqu'à John Galliano, pour maintenir très haut le nom de Dior, Dieu et Or, dans un monde qui change et qui, de fil en aiguille, n'est plus très couture. Le New Look, aux origines de la maison Dior. La jeune fille que j'étais avait quand même l'œil assez braqué sur la mode du fait que ma mère était directrice de la maison Schiaparelli à cette époque-là. Claude Brouet, ancienne rédactrice à Elle. J'ai demandé à ma mère de me faire inviter chez Dior. Je ne savais pas du tout que j'allais travailler dans la mode. Et j'ai dit, mais cette nouvelle maison, j'aimerais bien y aller. Alors ma mère m'a fait envoyer une invitation. Et je l'ai vue, cette collection. Et j'ai vu la suivante. Et je n'étais absolument pas journaliste à cette époque-là. Donc, j'ai trouvé ça absolument séduisant, ravissant, désirable. Alors, dans mes souvenirs, c'est bien sûr cette ligne de taille minuscule. Alors, les grandes jupes, certes, elles étaient là, accompagnées d'autres. Et les premiers imprimés Panthère, je ne sais pas si c'était dans la première collection, mais le fameux imprimé Panthère fait par la maison Bianchini, enfin, tout ça, c'était quand même des objets de désir. Et alors, moi, en tant que jeune fille, eh bien, c'était d'avoir la taille. Alors, j'ai acheté une petite guêpière, je me serrais, mais je ne peux pas vous dire, les dîners étaient un supplice. Bon, c'est ça mon souvenir personnel de cette mode New Look, c'est d'avoir eu même parfois, si je ne mettais pas la guêpière, des agrafes qui m'entraient à la taille, dans la peau, mais il faut souffrir pour être belle. Pendant les années d'occupation, la mode était réglementée et pendant plusieurs années, on ne pouvait pas utiliser plus de quelques mètres ou centimètres de tissu par vêtement. Didier Grimbach, président de la chambre syndicale de la haute couture. Donc les longueurs étaient forcément réduites, la mode était pauvre par définition, puisqu'il n'y avait pas de tissu, il fallait des cartes de rationnement. Et tout d'un coup, alors que quand même le rationnement était toujours en place, puisque les cartes de rationnement ont tenu jusqu'en 1948, Dior a osé faire fi de la réglementation et de faire des vêtements qui étaient très libres, comme avant la guerre. Et vraiment, c'était une révolte et en même temps une révolution, puisque depuis 1942-43, les tissus manquaient. Non, ce n'était pas une révolution. Il a repris. Je crois qu'il y avait petit peu de nostalgie filiale. La maman était une femme très élégante et Janice Amé, il avait autour de lui, journaliste à Granville, des tas de portraits de sa mère, de sa grand-mère, avec des jupes longues, avec cette silhouette un peu romantique. C'est en 1917, la révolution a été bien plus grande quand on a tout à coup lâché les corsets et remonté les jupes. Là, ça a été un coup. Ça a été un coup d'après-guerre. D'ailleurs, la preuve, c'est que Christian Dior a suivi cette mode pendant 3 saisons, puis il est revenu à une longueur plus facile. Mais ça a donné à Paris une force extraordinaire vis-à-vis de l'Amérique, parce que l'Amérique, pendant la guerre, pas oublier ça non plus. Les Américains, quand ils ont vu que l'Europe était en guerre et que Paris était en berne, se sont dit on va le récupérer le leadership de la mode qu'avait la France et c'est nous qui allons faire la loi. Il y a un geste industriel. Il s'agit de conquérir un marché. Farid Chenoun, historien. Et ce marché, il est très très vite déterminé avant même que les robes n'existent. C'est le marché américain. C'est la presse américaine qui va, comment dire, adouber Dior plus que la presse française. C'est la presse américaine qui, non pas prend le relais, mais qui prend le pouvoir de toute manière, puisque intuitivement, c'est à elle que s'adresse Dior. Intuitivement et sans doute peut-être stratégiquement. Et puis aussi, il y avait autre chose. Christian Dior était financé par Marcel Boussac. Marcel Boussac, le roi du coton, l'homme le plus riche de France, avait des quantités de métrages de tissus de coton à écouler après, en 47. Il avait des milliers de kilomètres de toiles de parachute à écouler. Donc il fallait impérativement des longs métrages pour écouler ce tissu qu'il avait en stock. Je crois qu'il y avait tout pour que Dior soit un succès. Il était très bien financé par Boussac. Enfin, rien à côté de ce qu'aujourd'hui on devrait accumuler pour faire une maison. Mais il avait 10 fois plus de moyens que Balmain, son collègue, concurrent et ami. Et c'est vrai qu'il y avait des moyens à tout point de vue que personne n'avait jamais eu jusque-là. Eh bien, pour Christian Dior, cette saison, la mode est une fleur. Oui, c'est une fleur, une belle fleur épanouie. C'est à cela que j'ai pensé en faisant ma prochaine collection. Le but, c'est par là même le visage des femmes seront mises en valeur par une coupe nouvelle qui donnera au corps toute sa plénitude. Je me suis en effet toujours donné pour règle de mettre en valeur, suivant les saisons, tel ou tel avantage du corps de la femme. Entre nous, le buste n'est-il pas le plus séduisant de tous? Bien entendu, la taille reste fine, bien fine. N'est-ce pas le rêve de toutes les femmes? Et n'ai-je pas dit tout à l'heure que la mode était une fleur épanouie? C'est vous dire que la mode est anti-maigre, tout comme je suis moi-même anti-régime. It's a new look. It's a new look. C'est une nouvelle allure, une nouvelle silhouette. Je sais pas comment on peut le traduire, oui. Nouvelle apparence. Hein. Alors pourquoi c'est resté comme ça? D'abord, il y a une force d'entraînement qui est caractéristique de tout conte de fées, où il y a une formule finalement qui résume tout. Hein, c'est un peu le « il était une fois » de la mode au XXe siècle. Il y a cet effet-là qui est un rituel de récit finalement, comme un, et qu'on répète, alors qu'on répète la version, comment dire, prosaïque, ça serait de dire tout le monde répète ça, les journalistes, parce qu'ils n'ont pas le temps et que finalement c'est une sorte de faiblesse intellectuelle. On répète ce qu'a dit cette journaliste et ça a valeur de loi. Derrière ça, il y a peut-être aussi quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui se passe au XXe siècle, qui est comment s'habille une femme? Comment s'habillent les femmes? Et si on ferme les yeux et qu'on essaye de faire table rase dans le paysage de la mode au XXe siècle, au fond, on va voir deux modèles qui apparaissent. D'un côté, ça serait Chanel et Dior. Et l'allure de Chanel, hein, comme disait un livre de Paul Morand, c'est une femme qui va dans le monde, qui bouge, c'est une femme qui prend une partie des vêtements masculins parce qu'elle s'empare aussi d'une partie des prérogatives masculines, le travail, la conquête de l'espace, la rue, les bureaux. Et puis il y a Dior qui prend en quelque sorte le contre-pied de ça et qui restaure une féminité qui avait été abandonnée par Chanel, c'est-à-dire en faisant appel aux images, à ça, comment dire, de son enfance, aux femmes de son enfance, à la fin du 19e siècle, grosso modo une féminité qui est hyper fétichisée depuis le Second Empire jusqu'à Poiret, jusqu'au moment où le corset va disparaître. Donc, On voit bien que là, c'est un autre pôle de l'univers féminin qui est remis sur la scène, qui est remis en... Parce que là, c'est une véritable scène. Chez Chanel, au fond, la scène, c'est la rue, alors que chez Dior, la scène, c'est le salon. Quelles seront les couleurs Dior cette saison ? Il y a du rouge, du rose, du bleu pâle, du jaune. Enfin, c'est presque tout un arc-en-ciel. Et c'est vrai, il y a beaucoup moins de noir que des autres saisons. Et en ce qui concerne les corsages, les bustes, est-ce que ça va continuer d'être assez épanoui ? J'ai toujours aimé les belles poitrines. Mademoiselle Lolo Brigida a le plus grand succès à notre époque et j'ai une grande admiration pour elle. Oh, c'est merveilleux. C'est une profession. Très bien. Une collection Dior dans ces années-là, même au-delà de 50, même sous Marc Band, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus tard, dans les années 80. Une collection, c'était 150 à 160 passages. On appelle ça des passages. Et il y avait 15 manteaux, de 22 tailleurs de jour, 22 tailleurs d'après-midi, 22 tailleurs de vernissage, des robes de cocktail, des robes de réception, des robes du soir, des courtes, des longues... Enfin, ça n'existe plus. Aujourd'hui, une collection de haute couture, c'est 35 modèles. C'est tout. La journée pour la cliente, il y avait la petite robe du matin. Paulette Boncourt. Il y avait le tailleur, mettons, de l'après-midi. Ouvrière d'atelier de 1947 à 1989. Il y avait la robe pour le cocktail. Et ensuite, pour le soir, la robe du soir. Voilà ce qu'on appelait vraiment la robe du soir pour aller soit dans les théâtres, l'opéra et autres. À ce moment-là, il y avait beaucoup de sorties comme ça, de balles organisées dans Paris. Donc je me rappelle, moi, quand j'étais apprentie, c'était surtout pour la présidente à ce moment-là de l'Argentine. Eva Perón, voilà, excusez-moi. Et elle aimait beaucoup, justement, les robes de tulle, en tulle. Mais elle ne s'est jamais dérangée. Elle avait toujours, donc on lui avait fait son mannequin à ses mesures. Et c'était une personne très proche d'elle qui venait donc choisir pour elle. Et elle avait sûrement vu quand même les silhouettes des robes qu'elle désirait. Voilà. Et les défilés se passaient toujours chez les couturiers, dans le silence total, avec une jeune personne, s'il y avait plusieurs salons, une à l'entrée de chaque salon, qui donnait un numéro, un nom, ou seulement un numéro, par exemple, comme chez Grey, il n'y avait jamais de nom, chez Balenciaga non plus. Dans certaines maisons, on ne donnait même pas, parce qu'il n'y avait pas un bruit, le mannequin avait un carton. Avec des gros chiffres qu'elle présentait, comme ça, devant, le geste était... Elle marchait avec son carton bien en vue. Chez Dior et dans d'autres maisons, on annonçait le numéro, le nom, car il y avait un nom chez Dior. Alors, en français, 25, Longchamp, number 25. Numéro 90, 90, Dandy. Bon, et vous aviez ça 100 fois, s'il y avait 100 modèles, 150 fois. Et toujours sur le même ton. Et toutes les femmes marquaient parce que ce qu'elles marquaient, c'est ce qu'elles voulaient commander. C'était une mode de consommation à cette époque-là. Les couturiers habillaient. Vous savez que Dior avait commencé à 10 ans, pas plus de 300 clientes. Et que moins de 6 ans après, il en avait 3000. Les femmes avaient de l'argent. Il y avait tout à coup, l'après-guerre a donné lieu à une recrudescence de richesse, de fête. On s'habillait et on venait chercher à Paris le chiffre d'or de l'élégance. J'ai eu la chance de pouvoir assister à certaines collections. Marie-Christine de Seine-Wittgenstein, fille du fondateur des parfums Dior. Mon père me glissait dans le fameux escalier qui descendait, où les gens s'asseyaient sur les marches, ceux qui n'avaient pas de chaise. Mais je me faufilais, j'avais une petite place et j'étais tout à fait pleine d'admiration. Je rêvais devant ces robes, les robes habillées, les robes du soir, en rêvant de pouvoir évidemment les porter un jour. On était quand même 26 ateliers. Hein. Mais on allait par 3 ou 4 ateliers et dans le salon, on s'installait comme les clientes et on voyait notre travail sur pied, c'est le moment de le dire, je crois. Hein, c'est vrai, oui, c'était très bien, oui, parce que les mannequins à ce moment-là présentaient vraiment très chaleureusement, avec un petit sourire. Les salons de la haute couture parisienne en période de présentation de collection, ce sont de véritables salles de représentation de gala. Mais derrière les rideaux, il y a les coulisses. Eh bien, en couture, Ces coulisses, ce sont des escaliers. Car avant tout, dites-vous bien qu'en couture, il y a les escaliers. On les monte et on les descend sans cesse. Et puis, il y a les ateliers, car ces escaliers mènent justement aux ateliers. Et les ateliers ont aussi leur histoire. On était donc alliés avec une ouvrière qui était première main, qui on lui donnait, alors là, on lui confiait absolument toute la pièce. Et moi, si vous voulez, j'étais son aide. Elle me donnait évidemment pour nos débuts, nous pour les surfils, vous voyez, les finitions et tout ça. Mais coup de l'impression, enfin, vous voyez, de petit à petit, on apprenait tout ça. Et surtout à faire aussi, à cette époque, c'était très à la mode, les fameux paddings, vous savez, ce qu'on appelle aussi les poulettes. Voilà, alors on les faisait vraiment à la main, avec des couches de ouate, des toiles de laine, enfin voilà, et faire à chacun le modèle pour la cliente. On a les ennuis des essayages, il faut approcher la clientèle et il faut tout de même être très aimable malgré nos soucis. Ah oui, et ça. Dans les ateliers, il faut surveiller le travail et la coupe, et aussi il faut voir dans tous les rayons de la maison, dans toute la corporation, là, les manutentions et ainsi de suite. Et il faut toujours se batailler pour les tissus et toutes les fournitures. On reste 3 ans apprenti et après, donc, on devient petite main. Alors là, c'est un peu plus... Alors là, on vous confie à faire soit les manches, vous voyez, entièrement. Faire les manches, enfin faire du début du travail, c'est-à-dire mettre le patron sur le tissu, dessiner donc le patron sur le tissu, après le monter, et vous voyez, je faisais des pièces comme ça, faire les poches, j'étais dans un atelier flou. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est le flou? Ah, le flou, bah, c'est selon les tissus donc, qui sont légers, hein, le mousseline, le tulle aussi, parce qu'il y a eu des très beaux modèles faits en tulle, donc c'est léger aussi ça. Et puis il y a la moire, il y a l'organza, il y a la faille, il y a les satins. Mais enfin, oui, moi j'aimais mieux tous ces tissus, quoi, de préférence. Oui. Et le georgette aussi. Il y a un tissu qui s'appelle georgette et c'est aussi très léger, voilà. Fidèle aux traditions anciennes qui remontent à l'institution de cette sainte qui s'est transformée en une sorte de fête patronale de la couture parisienne, nous allons aller rejoindre Lisélina qui doit se trouver en ce moment chez Christian Dior, c'est-à-dire dans un de ces hauts lieux de la couture parisienne. Allô, Lisélina ? Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Christian Dior ce matin ? Eh bien, il ne se passe rien, mais il va se passer quelque chose. La, la, la, la, la, la, la, la, tire, tire l'aiguille, ma fille. La, la, la, la, la, la, la, la, tire, tire l'aiguille, ma fille. La lumière de la lampe fumée chancelle, tes yeux se couvrent d'un rideau de dentelle. Ne les laisse pas se fatiguer, mon ami, demain tu dois être jolie. La, la, la, la, la, la, la, la, la, tire, tire, la, la. Voilà, vous voyez, une Sainte-Catherine. Vous voyez ? Et alors là, c'était en crêpe. On avait à ce moment-là la manche, vous voyez, longue, mais enfin, elle était toute fendue. Voyez ? Et on mettait un bouton bijou là, vous voyez, à chaque. Voilà. Mais là, alors là, c'est qui ? Ben, c'est moi. Vous voyez, ah ben, vous m'avez reconnu un peu, parce qu'on a changé un peu, hein, c'est vrai. On change un peu, c'est drôle. Hein. Puis là, c'était une Catherinette. Vraiment de l'atelier, voilà. Alors on avait toujours pour la Sainte-Catherine, on s'offrait entre nous des boutonnières. Et donc parce qu'il y avait un fleuriste justement au bas de Monsieur Dior, là souvent on allait chercher une petite boutonnière pour s'offrir entre nous. Mais c'était la tradition de porter toujours une fleur pour la Sainte-Catherine. Eh bien nous avons, Jean Calven, une charmante petite Catherinette. Il y en a 25 chez Dior en tout. 25 fois 25, si je comprends bien, comptant les années. Bien sûr, 25 fois 25, en comptant les années. Et elle s'appelle ? Mademoiselle Monette Jacob. Ah, et qu'est-ce que vous êtes dans cet atelier ? Je suis première main qualifiée. Ah, eh bien, nous allons demander à mademoiselle... Nous sommes chez qui, monsieur Dior ? Chez mademoiselle Christiane. Nous allons demander à mademoiselle Christiane de nous dire ce que c'est qu'une première main qualifiée, en deux mots. Je tiens à dire d'abord que mademoiselle Christiane est celle qui a débuté ma maison. C'est la première de toutes mes premières. me rappelle qu'entre nous, on disait Papa Dior, parce qu'on dit quand même le patron, ça vient de, donc de la racine du père, hein, du papa. Alors donc, entre nous, on disait, ah bah Papa Dior, est-ce qu'il va être content de, justement, de ce modèle et autres, vous voyez? Alors, oui, ça, il était très, très... Et puis, il semblait quand même une personne très timide aussi, hein. Il aimait pas trop quand même se mettre en valeur, quoi. Il avait aussi un rapport très affectueux avec les gens qui travaillaient là. Il passait, en général, quand il rentrait, par exemple, après le déjeuner, il passait toujours par la couture pour dire bonjour, mon chéri, à tout le monde. Tout le monde avait un petit mot gentil, mais en fait, il jetait un œil partout pour regarder ce qui se passait et comment les choses étaient présentées. Mais avec un côté chaleureux, amical, je dirais presque tendre. Monsieur Dior en blouse blanche, une baguette à la main, parce que la baguette, ça servait à toucher le modèle quand quelque chose n'allait pas. Alors, si c'était l'épaule qui était un tout petit peu trop faible, alors il touchait l'épaule du... Vous imaginez le truc? C'était absolument incroyable. C'était Matisse faisant ses collages avec ses assistants. Et il était entouré d'un triumvirat de femmes extraordinaires. C'était pas des jeunettes, c'était vraiment des dames. Il y avait Madame Marguerite Carré qui s'occupait du studio. Il y avait Raymond Zenacker, une grande Alsacienne aux yeux bleus. Il y avait Madame Bricard qui était une femme absolument extraordinaire, toujours en chapeau à voilettes, même dans les salons de Christian Dior, avec un énorme manchon de panthère à la main, une fume-cigarette. Enfin, c'était du théâtre pur et dur. Alors moi, je regardais ça et je me disais, mais c'est ici le creuset de cette mode qui va déferler dans le monde entier. Très émouvant, hein. C'était un privilège. J'étais absolument fascinée par une certaine rigueur, toujours dans la silhouette. Et Claude Brouet. Il avait toujours une appellation. Il y a eu la ligne A, la ligne H. Enfin, la ligne H a fait couler pas mal d'encre parce que tout d'un coup, c'était une petite silhouette étroite qui demandait beaucoup de minceur. Ça montrait beaucoup moins les formes féminines. Enfin, il y avait toujours une rigueur exceptionnelle dans le... il y avait un titrage de ligne et qui était admirablement suivi. Je me souviens, à une époque où je n'étais pas encore à elle, d'être tombée en extase devant un modèle, une redingote noire qui s'appelait Fourmi, qui était totalement dépouillée, mais d'un galbe, d'une ligne extraordinaire. Parce que cette ligne, c'est pas le détail dont on se souvient, c'est la ligne, hein, tout à fait épurée, avec une petite chose sur la tête, avec une petite antenne, comme une fourmi. J'ai dû aller 3 matins de suite, parce que moi, on ne me le laissait pas sortir, ce modèle, pour avoir le droit de le photographier sur le trottoir de l'avenue Montaigne, avec le photographe qui m'accompagnait. Je suis retournée 3 fois de suite pour la voir. La maison, à tout point de vue, a eu une visibilité... Didier Grimbach. Un succès, une puissance absolument exceptionnelle pendant ces années. Et elle a bouleversé, à tout point de vue, les règles de la profession, pas seulement en changeant de style, ce qui n'est pas ma spécialité, mais en changeant les procédés de gestion des marques. Dior a quand même développé, inventé, on peut dire, le système des licences qui a fait vivre la haute couture pendant 50 ans. En 48, il y a eu le premier contrat de licence de bas et le premier contrat de licence de cravate. Étrangement, c'est le contrat de cravate qui était le plus étonnant parce qu'il s'agissait de griffer avec un nom de couturier pour femme un produit qui était destiné aux hommes. Puis, bon, le scandale a été la signature avec un industriel allemand d'un contrat de bijoux fantasy pour Le Monde qui a provoqué, mais un vrai scandale dans les ambassades. Monsieur Rouet, qui n'était pas encore président de la société, avait été convoqué au ministère des Finances par un inspecteur des Finances qui n'était encore pas connu, qui était Giscard d'Estaing, parce que l'ambassade, enfin le consulat à Bonn, était complètement bouleversé par l'idée qu'on pouvait donner un nom comme Dior, qui était devenu magique, à l'industrie allemande. Et les consommatrices étaient scandalisées. Les clientes de Dior trouvaient absolument malvenu de voir des bas Dior aux Galeries Lafayette. On ne créait pas une marque à l'époque. On voulait habiller les femmes. Marie-Christine de Seine-Wittgenstein. On voulait que la femme, et ça c'était l'idée de Dior, que la femme soit habillée de Dior, les chaussures, les bas, les même jusqu'à la gaine, les sous-vêtements, tout devait être Dior. Et bien sûr, on ne peut pas être habillé sans être parfumé. Et le parfum était complètement partie prenante, comme une licence de la couture, de l'élégance, de la féminité. Le parfum et la couture ont toujours été ensemble, hein, puisque M. Epfler avait lancé le parfum avec Dior et du temps de Dior. M. Boussac, à l'origine, n'avait pas le droit sur les parfums. Il s'est intéressé aux parfums à l'instigation de Dior, et ça s'est très bien passé pour la marque. À chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte de la boutique de l'avenue Montaigne, il y avait un vaporisateur au-dessus de la porte, et ça a été Miss Dior, et surtout Diorissimo, et ça a été pendant très très très longtemps, et les vendeuses qui commençaient à avoir un petit peu mal à la tête de ce parfum entêtant toute la journée ont demandé que ça s'arrête, et bon, chaque chose a son temps. Après, pour tout ce qui était emballage, ça paraît évident, le pied de poule noir et blanc aujourd'hui, c'est un tissu qui paraît classique. Mais c'était un tissu pour homme à l'époque. Dior a beaucoup participé à l'emballage. Il a voulu, au fond, bousculer les codes qui étaient très froufroutants, boudoir, rose, très très chichi et très féminin. Il a pris un tissu un peu sévère, un peu masculin, un peu brutal, et au fond, ça a été le succès. Il a une extraordinaire capacité à fantasmer le corps féminin. Farid Chenoun. Et à le magnifier. Par exemple, quand on regarde ces magnifiques photos, je crois que c'est de Maywald, qui représente la cabine, ce qu'on appelait la cabine. La cabine, c'est l'endroit où, à côté des salons, dans la maison de couture, reposent, attendent, sont en quelque sorte en stand-by, au repos, une sorte de féminité au repos, attendent les mannequins avant qu'elles d'aller défiler devant les clientes quand les clientes veulent voir tel ou tel modèle. Quand on regarde ces femmes, elles sont tellement hyper féminisées que avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire du genre, notamment depuis les années 80, eh bien, on a l'impression que ce sont des travestis. On a l'impression, il y en a certains, on a l'impression que ce sont de magnifiques travestis. Et là, on comprend le lien qu'il y a entre le travestissement du travesti. Et puis, la manière dont les femmes s'habillent, dont elles s'arrangent. Le travesti aussi s'arrange. Vous voyez, la frontière est très, elle est très ténue. Elle est très ténue. Elle repose sur quoi? Elle repose sur un trait de crayon noir, sur une manière d'accentuer un coup de hanche, une manière de poser un bras sur une hanche. Cette photo me raconte tout ça. Alors cette robe est une robe que j'affectionne particulièrement. C'est la dernière collection de Christian Dior. Elle s'appelle Louvecienne. Didier Ludo, de la boutique vintage La Petite Robe Noire. Tout le travail de Christian Dior est résumé, c'est-à-dire la robe très décolletée, avec le haut très pigeonnant, les nœuds, qui est quand même la chose de Dior, l'ampleur et la couleur, puisque c'est le bleu lavande que Dior aimait beaucoup. Et c'est un tissu donc, qui est en soie, bien sûr, un ottoman de soie, qui est imprimé de rose. 57. Chez Christian Dior, c'est très très difficile de dater les robes. Parce qu'en fin de compte, son new look, il a il a quand même continué jusqu'à la fin. Et puis, il y avait un esprit Dior qui était là. Donc, toutes les robes étaient la taille très serrée, la poitrine en évidence et tout. Et toujours des robes gonflantes. Donc, même Saint-Laurent, quand il a succédé à Christian Dior, il est très difficile de dire cette robe est de Saint-Laurent, cette robe est de Dior. Celle-là, en fin de compte, bon, elle est de l'hiver 57, mais elle aurait pu être faite en 53 ou 54 également. Dior a réellement, pour quantité de raisons, eu une influence tout à fait exceptionnelle et ça a été un modèle de croissance. Dior est devenu, parce qu'il est mort jeune en plus, et seulement 10 ans après avoir fondé sa maison, la marque s'est désincarnée très vite. Et là, Yves Saint Laurent a eu beaucoup d'importance puisqu'il est rentré chez Dior à 18 ans, il a été à 20 ans l'héritier. Et la marque Dior, grâce au passé à Dior, la façon dont il a monté les ateliers, quand Dior est mort, il y avait 22 ateliers. C'était donc une maison considérable. Paris Inter, 27 octobre 1957. Rappelons que les obsèques de Christian Dior auront lieu mardi matin, mais la collection continue et on précise que personne n'a été contacté directement ou indirectement jusqu'à présent pour succéder à Christian Dior. Aujourd'hui, il n'y a pas un couturier dont la mort pourrait provoquer un tel choc dans le grand public. Parce que Dior était associé à la renaissance de la France après la guerre. Puis Dior était représenté quand même à la fois la mode et la finance. Hein. Il y avait quand même, c'était un empire. Il y avait donc les financiers, il y avait les clientes, il y avait les stars, il y avait les artistes. C'est un événement considérable à l'époque. Monsieur Boussac, quand Dior est mort, n'a pas voulu continuer. Et il s'est passé une chose inattendue, c'est que pendant que tous les licenciés étaient là pour assister à l'enterrement de Dior, les licenciés s'étaient réunis chez Dior, avaient provoqué une réunion pour demander que la maison continue. Qu'elle devait continuer malgré la mort de Dior, parce que la marque et le service qu'elle fournissait était essentiel pour tout un ensemble de partenaires, surtout américains à l'époque, mais également européens, japonais, c'était le début, et Boussac s'est laissé convaincre. C'est officiel depuis quelques instants. En effet, il y a une conférence de presse à l'heure actuelle qui se passe chez Christian Dior, que donne Jacques Rouette, devenu gérant, en compagnie de Jacques Chastel, directeur de Paris, et des principaux collaborateurs de la maison. On parle officiellement de l'avenir de la maison Christian Dior. Comme nous vous l'avions annoncé les premiers il y a une huitaine de jours sur Actualité de Paris, c'est une équipe constituée par Raymonde Zenacker, qui a de tout temps été la collaboratrice la plus proche et la plus précieuse de Christian Dior, Marguerite Carré, qui fut toujours sa directrice technique, et Yves Saint-Laurent, le jeune modéliste, Benjamin de la maison, timide et modeste, qui fuit les photographes depuis 8 jours, qui vont continuer l'école créée et voulue par Christian Dior. Paris Inter, 15 novembre 1957. Et ce garçon dont on parle et qui se cache modestement derrière ses lunettes, donc Yves Mathieu Saint-Laurent, qui est très jeune puisqu'il a 20 ans, je crois. Oui, 21 ans. 21 ans, et je crois que vous vous destinez à des études qui n'étaient pas tout à fait celles de la mode, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Eh bien, je préparais mes études de philosophie. À Alger ? À Alger, oui. Comment êtes-vous venu de la philosophie à la couture ? Eh bien, c'est grâce à Michel de Brunhoff, le directeur de Vogue, qui a aimé mes dessins et m'a présenté à M. Christian Dior. C'est-à-dire que vous rêviez de Paris ? Vous êtes venu, oui, pour dessiner à Paris. En somme, qu'est-ce que vous aviez envie de faire au moment où vous prépariez votre philo ? Bien, j'étais un peu dans l'indécision, car le théâtre et la couture se partageaient mes passions. La première collection a été absolument fantastique. Janice Hamet. Grande simplicité. Beaucoup plus simple que celle de M. Dior. Et puis surtout, le fait qu'il avait libéré le corps de tous les artifices baleinage, entoilage, etc., qui était le propre de la ligne de Dior. Il avait redonné du souffle à la mode en rendant sa liberté à la femme. Ensuite, ça, c'est une robe très importante pour la maison Dior, puisque c'est une robe de la ligne trapèze. Donc la première collection créée par Yves-Mathieu Saint-Laurent après la mort de Christian Dior. Et cette robe-là, elle est en chantung marine, mais elle avait fait la couverture du Paris Match en chantung capucine. Donc alors, ça, c'est très important. C'était porté avec une très grande capeline de paille et ça a été la révolution, puisque c'est là où il a été sacré petit prince de la haute couture. Paris Inter, 30 janvier 1958. Bon, alors, maintenant qu'Yves Saint-Laurent a son casque, et qui entend lui-même le duplex, je vais me mettre à l'interviewer. Je ne sais pas si vous parviennent les rumeurs de la foule, mais nous sommes absolument compressés comme des sandwichs. Yves Saint-Laurent, d'abord, je vais vous demander une question extrêmement banale. Quelle impression cet énorme succès vous fait-elle? Je suis surtout très, très ému. Je suis très heureux aussi, mais très ému en pensant à M. Dior. En réalité, moi, j'avais projeté de cesser mes activités avec Dior Londres, parce que ça me faisait voyager un peu trop. Marc Bohan. J'étais puni ici, nous, là. Et puis, j'avais envie de travailler à Paris. Créateur des collections de 1960 à 1989. Donc, je me suis retrouvé là, à Paris. Et puis, d'un seul coup, on m'a annoncé le départ d'Yves Saint-Laurent. Décision de la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'en sais rien. Vous imaginez que c'était l'époque de la guerre d'Algérie, et ce qu'il y avait... là, il était en âge, peut-être, de partir, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il avait fait 5 collections ou 4 collections. Et puis, on m'a annoncé ça, et on m'a dit à ce moment-là... Et c'était quelqu'un qui était dans la presse de mode, qui m'a dit, mais Yves, c'est terminé, il faut que ce soit toi, d'ailleurs, ils ont pensé à toi. Je dis, ben, dans ce cas-là, faudrait peut-être me le dire, parce que pour l'instant, j'ai rien, et puis, moi, j'ai posé aucune candidature. Yves Saint-Laurent s'était fait, avec ses 20 ans, n'avait pas fait son service militaire. Alors, il avait été appelé 2 fois, et 2 fois exempté, parce que la France du Champagne avait besoin de son talent. Mais tout à coup, il fallait donner l'exemple. On l'a obligé à faire son service militaire, je crois que c'était même... ministère des armées qui a exigé ça, en fait, c'était pas possible pour lui. Il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui une dépression nerveuse. Et il a été envoyé au Val-de-Grâce, où, pour le punir, car c'était vraiment un bannissement, on l'a traité comme un grand malade dont le psychisme était atteint, on l'a drogué. Il a fallu prendre quelqu'un de la maison. Et ce quelqu'un de la maison, c'était Marc Bohan. Alors, qui était Marc Bohan? Marc Bohan était un directeur de style ayant beaucoup de talent, qui dirigeait Dior à Londres. Donc, on a fait revenir Marc de Londres et on lui a confié la collection. Or, il s'est trouvé que Marc a fait des merveilles. Marc Bohan, vous voilà devenu le premier modéliste de chez Christian Dior pendant qu'Yves-Mathieu Saint-Laurent accomplit son service militaire. Interactualité, 28 septembre 1960. Quelle a été votre formation dans la mode? Eh bien, dès mon enfance, j'ai été attiré par la mode et en contact avec elle, puisque ma mère était modiste. Et les dessins de mode ont été pour moi l'expression... J'ai suivi ensuite des cours de dessin de mode. Essayer ni me mettre dans les lignes de M. Dior, ni de les rejeter, c'est juste qu'il fallait faire les choses dont on avait envie à ce moment-là. Ça veut dire faire une taille plus souple, faire des jupes un peu évasées, faire des choses sous le genou, par exemple, ou au milieu du genou, de longueur tout à fait normale, mais donner une souplesse, par exemple, faire des blouses qui venaient par-dessus la jupe, et des jaquettes courtes, enfin, je sais pas, d'un seul coup, un esprit, l'esprit de l'époque, quoi. Ça, c'était Monsieur Dior. 52, ça, non? Ça, c'est Monsieur Saint-Laurent lui-même, ça. Ah ben, voilà. Dans toute ma splendeur. Ça, c'était à moi, c'était en tulle noire. Oui, ça aussi. Oh ben oui, ça c'est un mannequin que j'ai eu très longtemps d'ailleurs. Là, oui, 79, 84, vous voyez. 82. La redingote, où elle est la redingote? Dieu sait qu'on l'a perdue. La silhouette de Jackie Kennedy. La petite jaquette, la jupe. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment à cœur, avec le petit bonnet, comme ça. Ça, c'était très dans mon goût. Et c'était très représentatif de ce que j'aime. Et puis après, il y a eu d'autres choses de temps à autre. Il y a eu la mode des manteaux longs, Jivago. Alors ça, je veux dire que j'étais quand même le premier à faire ça, et ça, je crois que c'était important. Et puis après, dans les années 70, je me suis tourné vers les parkas, vers toutes ces choses qui venaient presque de l'armée, d'ailleurs, avec les zips, avec les coulisses et tout ça. Ça m'amusait beaucoup. Puis des influences 1920 aussi, ou 1930, des choses à Godet, qu'on est en train de ressortir tranquillement. Et voici à cœur ouvert une émission de Claude Archambault. 29 juillet 1970. Les jeux de la haute couture sont faits, une nouvelle mode est née. Et pour notre plaisir ou notre déplaisir, à vous de choisir, elle est longue. Pourquoi ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à deux couturiers, de conception d'ailleurs différente, Jacques Esterel et Marc Bohan. Nous nous rendrons d'abord chez Dior pour rencontrer Marc Bohan qui a créé la collection. Ce que nous faisions, c'était de la haute couture et les seuls à faire avec les essayages, avec donc les autres maisons, je veux dire Balenciaga ou Chanel ou je sais pas Ungaro, tous ces gens-là. Bon, nous étions les seuls. Mais évidemment, après 75-80, ça ralentissait. Mais enfin, il y avait encore une clientèle qui avait envie de ça. Il y avait des films aussi, le cinéma, qui à l'époque avait des possibilités très larges. Les productions dépensaient beaucoup d'argent, les grandes productions, pour des vestiaires et de stars. J'en ai habillé beaucoup. Après tout, la femme s'habille pour quoi ? Elle s'habille pour plaire, pour être jolie, pour qu'on lui fasse des compliments. Pas pour être un modèle d'avant-garde, elle s'en fiche complètement, et son entourage encore plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut forcer la note et se donner des airs ? C'est uniquement par, disons, satisfaction personnelle. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la femme revienne le lendemain en me disant oh, « j'ai eu un succès fou, tout le monde m'a trouvé ravissante » ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est intéressant. Les robes de Bohan étaient les plus jolies robes du monde. C'était la perfection, l'harmonie, l'équilibre, rien d'excentrique. Le bon goût, le bon chic parisien. Mais simplement, je peux vous dire que tout ce qu'il a fait aujourd'hui peut sortir dans la rue sans que personne se retourne dessus. C'était parfait. C'était de l'élégance parisienne parfaite. C'était À cœur ouvert, une émission de Claude Archambault avec aujourd'hui Marc Bohan. Il y a eu des tribulations avant l'arrivée du groupe de Bernard Arnault. Il y a eu 4 ou 5 ans un peu chaotique, mais enfin... Marc Bohan. Il y avait un directeur à l'époque qui était le directeur de la maison quand Monsieur Dior a ouvert, en 47, Monsieur Rouette. Et je dois dire qu'il savait quand même protéger très bien, il connaissait extrêmement bien tout le monde dans la maison. Et les turbulences médiatiques ou financières étaient quand même très amorties... auprès du personnel et tout ça. Non, on a vu l'arrivée de Monsieur Arnault, là ça a été autre chose. Et le groupe, qui n'était pas encore LVMH à l'époque, commençait, voilà. Et puis il y a eu des changements évidemment, parce que l'âge aussi est arrivé. Bernard Arnault, France Inter, 16 novembre 2000. Je veux bien croire en votre passion pour la création, mais vous attendez forcément bien un retour sur investissement à un moment donné. Vous êtes quand même un homme d'affaires, vous dirigez une entreprise. Bien sûr. Hein, on attend un retour sur investissement. Ce retour sur investissement, d'ailleurs, nous l'avons. Hein, puisque la valeur de nos entreprises depuis un bon nombre d'années ne fait qu'augmenter, que nos actionnaires d'ailleurs sont très satisfaits de cette augmentation. Et il faut voir aussi la haute couture et cette activité qui n'est pas rentable comme un vecteur de créativité et d'image. Quand vous prenez les émissions de télévision du monde entier, qu'est-ce qu'on voit ? John Galliano avec les vêtements de Christian Dior. Ça, c'est un investissement aussi important que la publicité. Versailles, Dior, Galliano, un millier d'invités et une cohue de photographes. On va rentrer dans le local, ça sert à rien de s'énerver. Cohue vite canalisée par les personnels d'eau, tous déguisés en agents de Matrix. Le film, son le manteau rouge, je sais que la soirée, je porterai à Noël. Avec les modèles surprenants, et bien de cela mérite. Spécialement en l'événement de Dior, je pense que c'est extraordinaire. C'est une personne qui tient une magie, mais tout le temps maintenu les couleurs qui sont les plus belles de la vie. Cette fois seule, l'originalité était au rendez-vous. Preuve manifeste que le talent de Galliano a mûri, mais Galliano, Éric Valmire, est toujours aussi provocateur. Je crois que c'est la maison Dior n'est plus celle qu'elle était à l'origine. Dior, Monsieur Dior reviendrait, il viendrait fou. C'est pas possible autrement, il deviendrait fou. Parce que tout ce qu'il voulait a été outrepassé d'une façon incroyable. Les robes de la haute couture ne sont plus dans les salons. Le prêt-à-porter Dior ne court plus les rues. Et aujourd'hui, la suprématie totale revient au département de maroquinerie et d'accessoires. C'est une nouvelle époque. Les femmes ne s'habillent plus. Il reste quoi des origines de Monsieur Dior dans le Christian Dior d'aujourd'hui ? Bah, un esprit d'élégance, il y a quand même un esprit de luxe, il y a un esprit dans tout ce qu'il fabrique, les accessoires, les bijoux, les cadeaux, dans les robes, je ne sais pas, je ne peux pas juger, j'en ai jamais vu. Mais dans tout ce qui entoure la marque, dans la publicité, par exemple, il y a quand même un climat de luxe adapté à l'époque, si vous voulez, qui n'était pas ce que M. Dior aurait fait, ni ce que j'aurais fait moi, mais c'est ce qu'il faut maintenant. Et vous voyez des publicités, des parfums, avec des stars de cinéma ou des publicités sur des montres ou sur des bijoux, beaucoup plus agressives que ce que c'était à l'époque, mais c'est normal. Si on va très vite comme ça, qu'on traverse la décennie et qu'on arrive à aujourd'hui, disons depuis les années 90, où là, les maisons de couture qui ont été rachetées par des grands groupes financiers sont devenues de véritables marques avec d'autres impératifs, ou en tout cas des impératifs commerciaux beaucoup plus forts et qu'il y a 40 ans ou 50 ans, enfin d'une certaine manière, eh bien, la mémoire de la maison de couture devient un des éléments de son identité, de marque. Et donc, on voit apparaître, à ce moment-là, depuis à peine une petite dizaine d'années, on voit apparaître la notion de patrimoine, la notion de banque stylistique, et puis finalement, la tarte à la crème de l'époque contemporaine, c'est cette fameuse notion d'ADN, l'ADN de la marque, les codes de la marque, qui sont une obsession aujourd'hui contemporaine, dans un monde, c'est vrai, où les marques luttent pour se constituer des territoires et des territoires surtout d'occupation, si je me souviens, d'occupation du sol et surtout des territoires de visibilité. Donc Dior n'échappe pas à la règle, comme Chanel n'échappe pas à cette règle, et Dior est en train et a commencé déjà à se constituer un répertoire de codes qui viennent directement de ce gisement symbolique qu'est devenu la période Dior. 47-57, qui devient une sorte de bloc de pépites qui petit à petit on extrait et qui deviennent des repères, des codes. Ça peut être le muguet, ça peut être le tailleur bar, ça peut être le tissu prince de Galles, la rose. Oui, c'est une fleur, une belle fleur épanouie. C'est à cela que j'ai pensé en faisant ma prochaine collection. Le New Look, aux origines de la maison Dior, qui donnera au corps toute sa plénitude. 87, c'est ça. 79, oui. Je me souviens de ça. Ah bah oui, ça c'était les dernières années. 84. Tiens, Caroline, où c'est qu'elle est? Avec Paulette Boncourt, Claude Brouet. Ça, je me rappelle de ce tailleur-là, avec les plumettes. Janice Amé. Tiens, Daniel Darieux. Marie-Christine de Seine-Wittgenstein. Monsieur Boussac. Marc Bohan. Farid Chenoun. Monsieur Rouette. Didier Grimbach. Ça, c'est moi. Et Didier Ludo. Voilà. Archivina, Émilie Trazente. Équipe de réalisation, Marie-Dominique Bougot, Éric Audra, Lionel Quentin. Une émission d'Antoine Lachand. Dandy, passe-partout, en uniforme ou en robe de soirée, veste italienne ou belle basket, LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens, replay et podcast avant le défilé, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons faire le point sur la vie des réfugiés.